rarement aussi joli nom n'aura symbolisé une telle tragédie. Le chemin des dames, une route empierrée qui flânait au pied des falaises calcaires de la vallée de l'Aisne et qu'empruntait autrefois le carrosse des deux filles de Louis XV et de leur dame d'Atours lorsqu'elles allaient visiter leur bonne amie Françoise de Chalus en son château de Boves. Ainsi passaient les belles dames de la cour qui ont baptisé sans le savoir ce charmant chemin qui sillonnait entre bois et taillis. Et sans doute, valait-il mieux oublier que des siècles plus tôt, les reines Frédégonde et Bruno avaient réglé sur ce même vieux sentier une querelle qui avait laissé au sol 30 000 cadavres. Alors, peut-être faut-il penser que le sang appelle le sang. Plus de 13 siècles après ce premier massacre, des dizaines de milliers de soldats allaient trouver la mort sur ce chemin des dames au cours de l'une des batailles les plus meurtrières de la Grande Guerre. Une véritable boucherie qui a marqué les mémoires pour toujours, illustrant à jamais les absurdités d'une guerre et les erreurs de commandement d'une caste militaire aussi obtuse qu'aveugle. Un engagement qui a aussi engendré les mutineries qui ont marqué l'année 1917 et forgé quelques mythes, dont celui d'un certain général Pétain, sauveur de l'armée française et économe du sang de ses poilus. Une fois n'est pas coutume, au moment où l'on commémore le 90e anniversaire de l'armistice de novembre 1918, j'ai demandé à Monsieur X d'exhumer quelques-uns des feuillets jaunis du dossier du chemin des dames. Clémenceau, le père La Victoire, comme on l'a appelé, était aussi célèbre pour ses bons mots. Des mots généralement féroces. Oui, hein. Il avait la dent dure. Ainsi, après la désastreuse bataille du chemin des dames, aurait-il dit « Si vous voulez que l'Allemagne perde la guerre, donnez-leur l'école polytechnique. » Ah oui, pas mal. Et là, il visait particulièrement le concepteur de l'offensive du chemin des dames, le général Nivelle. Qui était un brillant artilleur issu de l'école polytechnique, oui. Nivelle, qui porte incontestablement une énorme responsabilité dans l'échec de cette bataille qui devait être dans son esprit et celui de tous ceux qui avaient confiance en lui, rien moins que la bataille de France. Ouais, c'est-à-dire la bataille qui devait décider du sort de la guerre. Et donc assurer la victoire de nos armes. Et pour bien comprendre, il faut tenir compte du contexte. Lorsque le général Nivelle remplace Joffre au haut commandement, fin 1916, le conflit dure depuis presque 2 ans et demi. Et déjà, le bilan humain est épouvantable. Et malgré le sursaut opéré à Verdun quelques mois plus tôt, le nord-est de la France, un dixième du territoire national, est toujours occupé par la troupe allemande. Et puis, il y a l'épuisement, la lassitude. Absolument. Ouais. D'où l'idée qu'il faut frapper un grand coup. Et tenter d'en finir une fois pour toutes. C'est pourquoi il est fait appel à Nivelle, qui, à l'automne 1916, avait fait merveille en dégageant les abords de Verdun. Il en avait d'ailleurs conçu une théorie, celle de l'offensive à tout prix. Mais, vous savez, l'offensive, c'était aussi l'idée de Joffre. Certes, hein. Certes, mais ça lui avait valu quelques échecs particulièrement sanglants. Nivelle, lui, a perfectionné la méthode enseignée à l'école de guerre et qu'il a déjà expérimentée à Verdun. Je vous explique en deux mots. Il s'agit de concentrer en profondeur, à quelques kilomètres de la ligne de front, une considérable masse d'artillerie. Ces milliers de canons doivent anéantir les positions ennemies paralysées par ce déluge de feu. L'effet de surprise doit aussi jouer. Naturellement. Les premières lignes de l'ennemi étant détruites, l'infanterie peut alors s'élancer et finir le travail, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est comme ça que Nivelle a percé le front allemand du côté de Verdun. Hein. En effet, Nivelle et un autre général, Mangin, qui a été associé à ce succès. Mangin qu'on connaît bien à France Inter. Enfin, Mangin qui sera aussi l'un des principaux acteurs de la bataille du chemin des dames. Et qui gagnera un terrible surnom. Le boucher des Noirs. Le boucher des Noirs, mais pourquoi là ? Parce qu'il va sacrifier une bonne partie des troupes coloniales qu'il commandait. Mais si vous le voulez bien, on y reviendra. Nivelle, tout auréolé de gloire, fignole son plan. Ça doit être la répétition de ce qu'il a réussi à Verdun. Mais une répétition en grand, car il s'agit plus d'enfoncer un point bien déterminé des lignes allemandes, mais d'attaquer simultanément sur un front de 20 km rien que pour le chemin des Dames. Et ça change tout. Bien entendu. Il faut une mobilisation en hommes et en matériel comme on n'en a encore jamais vu. On calculera par exemple que plus de 5 000 canons lourds seront rassemblés, c'est-à-dire une pièce tous les 20 mètres. Oui, sur l'étendue du front. Et les hommes ? Ils vont être 1 million, français bien sûr, mais aussi britanniques, belges et russes. Au total, 180 divisions sur l'ensemble du front de l'Aisne et de la Somme. Et en face ? Les Allemands disposent seulement de 150 divisions, car une partie notable de leurs troupes se trouve encore sur le front de l'Est, côté russe. Alors, maintenant, parlons du terrain, et surtout du secteur du chemin des Dames, où Nivelle a choisi de rompre le dispositif ennemi. Il s'agit d'un plateau crayeux, creusé par les vallées de deux rivières, l'Aisne et l'Ailette. C'est là, en bas, que serpente le chemin des Dames. Mais il est dominé par de hautes falaises où les ruissellements ont formé des cavernes, des creutes, comme les appellent les habitants de la région. Oui, des abris naturels. Hein. Reliés entre eux par tout un système de galeries. Or, c'est là que les Allemands se sont installés. Autant de casemates qu'ils ont fortifiées où ils ont disposé leurs nids de mitrailleuses. Mmh. Les falaises du chemin des Dames forment donc une sorte de forteresse très difficilement franchissable. Et pourtant, c'est là que Nivelle veut attaquer. Oui, oui, car selon lui, ses canons vont pulvériser les défenses ennemies. Ce sera ensuite un jeu d'enfant d'atteindre la ligne de crête et de progresser ensuite sur le plateau. Nivelle a même prévu que Mangin pourra entrer dans la ville de Laon dès le lendemain du début de l'offensive. Ça, c'est très optimiste. Hein. Beaucoup trop, oui. Car avant d'entrer à Laon, il y a de nombreux obstacles à franchir. Écoutez bien. Dans les vallées, au pied des pentes, se trouvent d'abord trois tranchées parallèles. Les tranchées allemandes. Oui. Puis plus loin, à contre-pente, il faut encore neutraliser trois autres lignes de tranchées. Et enfin, il y a la troisième position sur la hauteur. Ça, c'est un emplacement clé. Hein. Parce qu'on domine les assaillants qui grimpent. Mais Nivelle compte sur ses canons. Hein. J'imagine que ce plan a dû être discuté, critiqué même par les diverses autorités. Évidemment. Et Nivelle doit affronter l'opposition de ses pairs. À commencer par Franchet d'Espéret ou Pétain. Mais celui-ci, c'est bien connu, n'est guère favorable à l'idée même de l'offensive. Ouais, il préfère la défense. Ouais. Mais il faut aussi tenir compte des rivalités farouches qui existent au sein de l'armée. Tous ces généraux se jalousent et ne s'aiment guère. Mm-hmm. Ouais. Et l'autorité politique ? Ah ben, elle est divisée. Le ministre de la guerre, Lyautey, est très hostile au plan Nivelle. Ouais, mais lui, c'est un général. Vous avez raison. Raymond Poincaré, le président de la République, est partisan de l'offensive. Le chef du gouvernement, Aristide Briand, est lui aussi favorable à l'initiative de Nivelle. D'autant que c'est lui qui l'a mise en selle à son poste de généralissime. Autre son de cloche, celui de nos alliés britanniques. Le commandant en chef, Douglas Haig, est très méfiant. Mais son premier ministre, Lloyd George, est d'un avis contraire. Ouais, c'est donc la confusion. Hein, il, faut il faut ajouter à ce désordre l'effondrement du cabinet français. Briand doit s'effacer et il est remplacé par Alexandre Ribot. Là encore, on sent que ces nouveaux dirigeants ne sont guère enthousiastes quand il s'agit de soutenir Nivelle. Paul Painlevé, le nouveau ministre de la guerre, est de loin le plus dubitatif. Mais au début de l'avril 1917, Nivelle joue son va-tout. Au cours d'une réunion au plus haut niveau, les politiques, Poincaré, Ribot et Painlevé, sans le désavouer, lui recommandent la prudence. Ils exigent du commandant en chef qu'il cesse d'attaquer si la rupture du front allemand n'est pas obtenue dans les 48 heures. Mmh. Bref, les politiques veulent dégager leurs responsabilités si l'affaire tourne mal. Ouais, hein. C'est à peu près ça. Mais ouais. Nivelle se fâche et il donne sa démission. Alors, réaction des politiques, là ? Ils abdiquent et demandent au général de reprendre sa démission. Le plan Nivelle est donc accepté. Oui, hein. Oui, mais ouais. On se quitte sur un véritable malentendu. Car le ministre Painlevé, brillant mathématicien par ailleurs, quitte la réunion en étant persuadé que Nivelle cessera toutes les opérations si son offensive n'est pas immédiatement couronnée de succès. Mais Nivelle lui opposera un cinglant démenti quelques jours plus tard. Ouais, et ce sera le désastre. Eh oui, une catastrophe qui va être encore amplifiée par des conditions météorologiques épouvantables. Pluie et même neige ne cessent en effet de tomber. Le long hiver de 1917, le plus froid de la Grande Guerre, semble ne jamais finir. Et le sol qui commence à dégeler se transforme en boue dans laquelle les poilus vont s'engluer. Autre conséquence de ce temps exécrable, les repérages aériens sont pratiquement impossibles. Et les tirs des artilleurs sont affectés, car le mauvais temps leur interdit de faire des réglages corrects. Ouais. Il aurait peut-être été plus sage d'attendre une amélioration météo. Sans hein doute. Mais Nivelle et son état-major piaffaient d'impatience. Il voulait mettre enfin en œuvre ce plan préparé depuis des mois. Donc quitte à commettre une imprudence fatale. Oui, oui, d'autre part, Nivelle a compris de travers, enfin je ne vois pas d'autre expression, une récente initiative allemande. Il faut m'expliquer là. en mars, le général Edenburg replie une partie de ses troupes. Pour quelle raison ? Ben, il veut raccourcir le front afin d'améliorer ses défenses. Dans ce but, il a donc construit une ligne fortifiée extrêmement puissante, comprenant des ouvrages en béton. Une sorte de ligne Maginot, quoi. Exactement. Mmh. Et il regroupe le gros de ses forces derrière ses fortifications édifiées sur l'axe Cambrai-Saint-Quentin-Laon, en ayant pris soin préalablement de tout détruire dans les zones évacuées. Ouais. Il ne s'agit donc que d'un repli tactique. Mais pour Nivelles, c'est le signe que l'ennemi bat en retraite. Et qu'importe pour lui que notre armée doive complètement se réorganiser face à cette nouvelle configuration. Il faut attaquer, et le plus vite possible. Et le 16 avril, à 6h du matin, les canons tonnent. C'est le début d'un gâchis inimaginable et d'un carnage qui ne l'est pas moins. Pierre Miquel est l'auteur d'un ouvrage de référence sur la Grande Guerre. Voici ce qu'il écrit à propos de l'offensive du Chemin des Dames. Mongin et Nivelles passaient pour les seuls artisans possibles d'une ultime tentative en vue d'obtenir la percée. Politiquement, il représentait la carte de la dernière chance que s'apprêtait à jouer Briand à la demande insistante de la majorité parlementaire. Les Anglais aussi pensaient que le temps risquait de jouer contre eux en raison des événements de Russie et de la défection de la Roumanie. Robert Nivelles était un polytechnicien qui avait servi dans l'artillerie. Il croyait au bon usage des canons. Il avait rapidement gravi les échelons, ayant réussi en de nombreux engagements à maîtriser les batteries allemandes. Il avait succédé à Pétain à la tête de la 2e armée. À ce titre, il se croyait l'inventeur d'une nouvelle méthode offensive basée sur l'utilisation de l'artillerie lourde à tir rapide. Il fallait rompre le front d'un seul coup, par attaque brusquée, en 24 ou 48 heures avec une artillerie considérable et le bénéfice de la surprise. Les nouveaux canons permettaient de raccourcir le délai de préparation. Ce qu'on faisait en 15 jours ou un mois peut et doit se faire à présent en 24 heures. La direction d'attaque, une large offensive conduite par les Britanniques et soutenue par les Français sur le front de Cambrai, une puissante attaque menée par trois groupes d'armées sur le front unique de l'Aisne, impliquant la conquête de la fameuse crête du Chemin des Dames. Telles étaient les idées de Nivelles. L'ouvrage de Miquel est disponible au livre de poche. Bon, je ne vais pas vous raconter la bataille par le menu, ce serait fastidieux. Mais sachez que dès que la préparation d'artillerie, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, est terminée, les troupes d'assaut, baïonnettes au canon, se précipitent vers les lignes allemandes. L'état-major a calculé qu'elles doivent progresser de 100 mètres toutes les 3 minutes. Là, c'est très précis. Sur le papier, oui, mais dans la réalité, il en va tout autrement. Car s'il est vrai que les premières et deuxièmes lignes sont franchies assez aisément... Grâce au pilonnage effectué par l'artillerie. Oui, mais enfin, la suite est beaucoup plus hasardeuse. Même si les défenseurs ont été anéantis, les obstacles subsistent. Ah oui, c'est-à-dire... Les fils de fer, les pieux, les carcasses d'abris... En outre, les obus ont creusé d'énormes trous. Ouais, qu'il faut descendre et escalader. Oui, et puis soudain, les mitrailleuses allemandes dissimulées dans des casemates bétonnées ou les fameuses creutes pendant la préparation d'artillerie ressurgissent au grand air, parfois même derrière les assaillants. Et ces armes provoquent de terribles dégâts en fauchant des lignes entières de fantassins sans protection. Ça signifie donc que l'artillerie a échoué. Et même en tenant compte de cette météo désastreuse, ça ne paraît pas étonnant. Les obus, même les plus formidables, ne peuvent pas avoir raison de ces cavernes creusées dans la falaise. Mais n'aurait-on pas pu prévoir La question est en effet essentielle, mais elle ne semble pas avoir fait partie des préoccupations du commandement. En tout cas, les conséquences sont dramatiques. Dès le début de l'offensive, les pertes sont très lourdes. Je ne sais plus quel auteur a pu écrire. À 7 heures, la bataille était compromise. À 10 heures, elle était perdue. Il y a là une exagération certaine. Toutefois, il est vrai que l'affaire tourne mal très vite. Bon, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais les tirailleurs sénégalais de l'armée, commandés par Mongin, perdent par exemple la moitié de leurs effectifs. Ah ouais, d'où l'expression que vous avez employée précédemment, là, le boucher des Noirs. Mongin, qui était par ailleurs l'auteur d'une thèse sur la force noire. La force noire, ça signifiait quoi, ça ? Pour pallier le déficit démographique français face à l'Allemagne, Mongin proposait de recruter des soldats au sein de notre empire colonial, et particulièrement en Afrique, où les hommes possèdent d'exceptionnelles qualités guerrières. Je cite Mangin, bien sûr. Quoi qu'il en soit, peu écouté avant la guerre, le général a obtenu ensuite beaucoup de succès au fur et à mesure du déroulement du conflit, à tel point que l'Afrique occidentale nous a fourni plus de 150 000 combattants. Des volontaires ? Certains l'étaient, mais vous savez, beaucoup passaient directement de l'état de travailleur forcé à celui de soldat. Ouais, donc ça ne faisait pas beaucoup de différence pour eux. Hein. Mais trop souvent, ces valeureux guerriers ont surtout servi de chair à canon. Ouais, ça a été le cas alors, au chemin des dames. Hein. D'autant que les exécrables conditions météorologiques ont diminué ces hommes habitués à la chaleur. Victimes d'engelures, paniqués par le feu incessant des mitrailleuses, et pour certains d'entre eux, privés de nourriture et de boissons chaudes, pendant de longues heures, ils ont succombé en masse. Ouais. Ce désastre a donc été rapidement connu du commandement. Certainement. Et malgré le désordre qui a aussi affecté les communications avec les unités... Alors, n'était-il pas possible de faire marche arrière, au moins provisoirement ? C'est évident. Mais Nivelle s'entête. Il est sûr de son fait. Son plan n'avait pas prévu l'échec. Donc il faut continuer. C'est malheureusement vrai. Et pourtant, tout va de mal en pis. Les chars, par exemple, c'est l'une des premières fois où ils sont engagés. Outre le fait que ces nouveaux engins sont encore très lents et mécaniquement pas très fiables, ils ne passent pas l'obstacle de la première tranchée. Pourquoi ? Trop profonde ? Oui, oui. Les quelques tanks encore intacts doivent revenir vers les lignes françaises. Il faudra aussi ajouter à ce pénible tableau le fait que, parfois, en raison du manque de coordination entre les diverses unités, des poilus ont été victimes de leur propre artillerie. Mmh. Car les canons ont recommencé à tirer. Bah, c'était forcé, tant la préparation d'artillerie initiale s'était avérée inefficace. Mais c'était trop tard, et nos fantassins présents sur le champ de bataille ont payé un lourd tribut à cette reprise de la canonnade. Mmh. Malgré tout, est-ce qu'on observe sur le terrain, quand même, une avancée des lignes françaises ? Bah, ici ou là, oui. Mais ces gains territoriaux sont dérisoires en regard des pertes infligées aux divisions françaises. Quand on fera le bilan, à la fin de la première offensive, début mai, on comptabilisera 180 000 soldats mis hors de combat, c'est-à-dire tués, blessés ou disparus, car la terre du chemin des dames ne rendra pas tous ces morts. Il faut ajouter, pour être tout à fait objectif, que les Allemands ont été aussi durement frappés, mais quand même beaucoup moins que les Français. Ouais. Nivelle s'entête, avez-vous dit. Et il poursuivra sa vaine tentative pendant plusieurs jours encore. D'accord, mais au-dessus de lui, il y a le pouvoir politique, le gouvernement. Ben, il faut d'abord observer que, faute d'informations fiables, le pouvoir ne prend pas immédiatement la mesure du désastre. Et quand enfin on comprend, la catastrophe est consommée. Ce qui n'empêche nullement Nivelle de continuer à lancer des attaques en différents points du front. Pour répondre aux inquiétudes exprimées à Paris... Nivelle affirme dans un rapport officiel adressé au gouvernement que les manœuvres d'usure de l'ennemi doivent se poursuivre. Mieux, il demande des sanctions contre les officiers supérieurs coupables d'avoir propagé jusqu'à Paris des racontars défaitistes. Ouais. Nivelle, enfin, ça me semble clair, ne veut donc pas admettre qu'il a failli. Non, et quand il sera enfin mis au pied du mur, il accusera même son ministre de l'avoir gêné. Ça signifie donc, moi, au départ, qu'ils se sont soutenus quand même par le pouvoir. Hein. Ben, le président Poincaré ne lui ménage pas ses encouragements. Il en est de même pour le ministre de l'Intérieur, Louis-Jean Malvy, qui sera pourtant l'une des victimes de cette tragédie. Mais si j'ai le temps, j'y reviendrai. Enfin, tout ça, là, ça ne peut pas durer éternellement. Évidemment. Déjà, premier avertissement, à la fin avril, le gouvernement nomme Pétain à la tête de l'état-major. Ouais, Pétain qui s'était prononcé contre le plan Nivelle. Hein, cependant, Nivelle n'est toujours pas décidé à plier. Tout au plus, consent-il à modifier son plan d'attaque. Et alors, à renoncer à l'offensive à tout prix. Le deuxième coup de semonce est tiré au début du mois de mai, sur décision du grand quartier général. Deux des principaux généraux de Nivelle, dont Mangin, sont écartés. Mais le généralissime lui-même n'entend pas se soumettre. Et pas question de démissionner. Hein. Et pourtant, de tous côtés, c'est ce qu'on lui demande. Mais Nivelle considère que son éviction porterait un coup redoutable au prestige de l'armée. Alors il décide d'en appeler au président de la République et il se rend à l'Élysée. C'est pour apprendre que Poincaré a enfin réagi. Nivelle est remplacé par Pétain. Ouais, Pétain qui devait ronger son frein. C'est certain. C'est vrai. Mmh. Est-ce que le futur maréchal de France adopte une autre stratégie ? Pas vraiment. Pétain, qui édifiera avec soin son image de général économe du sang de ses soldats, ne rompt pourtant pas fondamentalement avec l'action entreprise par son prédécesseur. Et sous son autorité, on va encore assister à plusieurs offensives dans le secteur du chemin des dames. Jusqu'au mois d'octobre, où une action décisive lui permettra de chasser les Allemands de ses cavernes, d'où ils mitraillaient les lignes françaises. Ouais. Mais, bon, Pétain pouvait-il agir autrement ? La question mérite en effet d'être posée. Mais je voudrais simplement dire qu'entre Nivelles et Pétain, il n'y a pas véritablement de rupture, sinon dans les esprits la propagande. Par contre, ce qui change de façon radicale, c'est le moral de l'armée. Oui, les mutineries. Une véritable contagion que doit affronter Pétain dès qu'il est nommé généralissime. L'historien Henri Castex s'est particulièrement intéressé à ce que l'on nommait à l'époque les comités secrets, c'est-à-dire des assemblées d'élus, députés et sénateurs, où ont été examinés attentivement les développements de la guerre et les responsabilités des uns et des autres. Ainsi, fin juin 1917, un député qui a combattu au chemin des Dames, Jean Ibarne-Garay, est entendu par ses collègues du comité secret, je le cite. Dans cette offensive, tout avait été prévu, sauf l'échec. On est parti de l'idée, a priori, que cette offensive serait un succès. C'est pourquoi rien n'était prévu. Pas de boyaux d'évacuation, des postes de secours insuffisants, impossibilité pour les voitures d'ambulance d'arriver jusqu'à l'endroit où se trouvaient les blessés. Tant d'efforts ont abouti à l'échec que vous savez. Mais le député ne se limite pas à ce constat. Dans la dernière partie de son intervention, Ibarne et Garay soulignent que notre état-major, après avoir entretenu l'opinion publique et le gouvernement dans l'idée d'une offensive heureuse, a voulu recommencer inopinément l'offensive dans des conditions pires que celles du 16 avril. L'ordre d'attaque avait été de nouveau donné pour la fin avril. Sur le secteur où la 5e armée avait été relevée par la 10e, on voulait de nouveau attaquer, avec un jour et demi de préparation d'artillerie. Il fallut l'intervention énergique et toute la volonté du ministre de la guerre pour arrêter net ces imprudences qui, cette fois, nous auraient encore coûté plus cher, car nous aurions eu une préparation d'artillerie moindre et nous nous serions trouvés devant des forces allemandes, soit d'artillerie, soit d'infanterie, considérablement augmentées. Avant d'évoquer ces fameuses mutineries de 1917 et les exécutions qui ont suivi, hein, encore un mot sur Nivelles. Qu'est-il devenu ? Il est donc relevé de son commandement à la mi-mai, mais détail intéressant, il continue à percevoir des émoluments. Ah, personne ne lui demande de compte. Des journalistes, des parlementaires estiment qu'il devrait comparaître en conseil de guerre. Mais manifestement, le pouvoir se refuse à le traduire en justice, surtout à un moment où l'armée vacille à cause des mutineries. Mais ça aurait peut-être... au contraire, contribuer à calmer ces mutins. Hein. Sans doute. Mais il ne faut pas oublier que dans cette tragique affaire, les politiques aussi portent une lourde responsabilité. Par conséquent, ils ont reculé. Toutefois, une commission d'officiers supérieurs, présidée par un général à la retraite, Brugère, a été chargée de faire la lumière sur le drame du chemin des Dames. Mais comme il fallait s'y attendre, elle n'a pas conclu à la responsabilité de Nivelles et n'a pas mis en cause son incompétence. Tout au plus, lui a-t-on reproché quelques faiblesses de commandement. Ouais, je vois, la solidarité entre militaires de haut rang a joué. Mais bien entendu. Et à la fin de cette même année, 1917, Clémenceau, nouveau président du Conseil, lui confiera le commandement de l'armée d'Algérie. Ouais, loin du front. Ça valait mieux. Alors, les mutineries. Elles commencent dès la mi-mai. Et il ne fait nul doute qu'elles trouvent leur origine dans la tragédie du chemin des Dames. Et des erreurs de commandement qui ont été commises et ont entraîné le sacrifice de dizaines de milliers de poilus. Oui, il y a eu du ras-le-bol, comme on dirait aujourd'hui. Un ras-le-bol de la guerre. Certainement. Parce que ça fait presque 3 ans que ces hommes pataugent dans la boue des tranchées. Puis il y a aussi le sentiment assez nouveau que les généraux ne sont pas dignes des hommes de troupe qu'ils commandent et envoient sans état d'âme à l'abattoir. Inutile. Oui, c'est ça. Plus que la guerre elle-même. C'est donc l'incompétence de leur chef que les mutins du 17 dénoncent. Mais bien sûr, tous ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il existe aussi chez les mutins d'authentiques pacifistes et des socialistes qui voient dans la révolution russe une émulation certaine. Mais il ne s'est jamais agi d'un complot révolutionnaire comme certains l'ont prétendu. La plupart des mutineries ont été spontanées. Ouais, mais ce qui a frappé les esprits, c'est que ces mutineries ont donné lieu à des condamnations à mort. Et à des exécutions pour l'exemple, comme on les a nommées. Même si l'expression ne vaut pas dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, pour l'autorité militaire, il était urgent de rétablir la discipline. A-t-on pu chiffrer le nombre de mutins ? Si les deux tiers des divisions ont été touchés par cette révolte, ou plutôt par ce refus de combattre, on estime généralement que 40 000 hommes se sont réellement mutinés. Mmh. C'est peu et beaucoup à la fois. Peu, par rapport au nombre d'hommes sous les drapeaux, mais quand même beaucoup pour les chefs de l'armée qui ont dû réagir avec célérité. Oui. Et combien de soldats ont comparu devant les conseils de guerre? 3 500, et 629 condamnations à mort ont été prononcées, et parfois de façon totalement arbitraire. C'est-à-dire pour des motifs bénins, quoi. Parmi les condamnés, certains n'étaient que de simples ivrognes. Ouais. Et combien de fusillés? Bon, le chiffre exact n'est pas connu, mais sans doute une cinquantaine. Les autres ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Toutefois, ce qui reste dans les mémoires, c'est que certains de ces fusillés ont été mis à mort de façon expéditive, sans même avoir la possibilité réglementaire de demander leur grâce. Alors c'est vrai, Pétain a frappé fort, mais il a aussi fait en sorte d'améliorer la vie quotidienne des poilus. Pour éviter d'autres mutineries. C'est certain, et il faut observer, et c'est assez mal connu, qu'il y a eu beaucoup plus d'exécutions dans les débuts de la guerre qu'en 1917. Ouais, il y a eu aussi des exécutions sommaires, hein, et ça on n'en a jamais parlé. Vous avez évoqué Malvy, là, le ministre de l'Intérieur, qui a été, avez-vous dit, l'une des victimes indirectes de l'affaire du chemin des dames. C'est exact. Ouais. Après un échec aussi monstrueux, il faut trouver des responsables. Comme le pouvoir politique n'a pas osé s'en prendre aux généraux, il a bien fallu trouver des boucs émissaires. Et Malvy, en tant que ministre de l'Intérieur, était particulièrement bien placé. Ça mérite une explication. Ça. Alors la voici. Ce républicain radical occupait cette importante fonction depuis 1914. Et malgré les changements de gouvernement. C'est dire s'il était très apprécié. Malvy, tout au long de ses années de guerre, s'était en effet attaché à préserver la paix sociale garante de l'unité nationale. Tâche difficile. Oui, parce qu'il fallait à la fois éviter les conflits sociaux, qui auraient mis à mal notre effort de guerre, et en même temps juguler la propagande pacifiste. Ce qu'à droite on appelait le défaitiste. Et jusqu'en 1917, cet homme de gauche s'en était plutôt bien tiré, grâce à ses bons contacts avec les syndicats. Et avec les pacifistes? Malvy, sagement, avait préféré les contrôler plutôt que de les arrêter, mais, bien sûr, cette politique conciliatrice lui valait beaucoup de critiques, surtout de la part de la droite nationaliste. Et presque naturellement, quand viennent l'affaire du chemin des dames et les mutineries, Malvy devient une cible au nom d'un raisonnement parfaitement machiavélique. Si la bataille du chemin des dames a été perdue, c'est parce que le moral des soldats a été miné par la subversion pacifiste et socialiste. Mais subversion que n'a nullement combattu Malvy. Et d'ailleurs, les mutineries qui ont suivi en ont donné une preuve éclatante. Conclusion. Le véritable responsable de l'échec du chemin des dames, c'est Malvy, contre lequel la droite patriotarde, la même que celle qui s'est autrefois acharnée contre Dreyfus, déverse des tombereaux d'injures et de calomnies. Léon Daudet, en particulier, polémiste aussi féroce et talentueux qu'excessif et menteur, le poursuit de sa haine. Malvy, payé par Berlin, devient ainsi le chef d'une conspiration ourdie pour abattre la France. D'ailleurs, n'a-t-il pas été l'amant de Mata Hari? Oui, ce qui est parfaitement faux, hein. Mais enfin, peu importe. Plus c'est gros, et plus ça passe. Ça va même si loin que le pauvre Malvy demande à être inculpé afin de pouvoir se défendre. Et ici, il faut bien dire qu'un Clémenceau ne s'honore guère. Certes, il ne participe pas à la campagne hystérique de l'extrême droite, mais il laisse échapper une allusion terrible sur la trahison inconsciente. La trahison inconsciente. Malvy aurait trahi sans s'en rendre compte. C'est à peu près ça, oui. Ouais. Quoi qu'il en soit. Après une instruction à charge particulièrement malhonnête, l'ancien ministre de l'Intérieur comparaît devant la Haute Cour de justice. L'accusation d'intelligence avec l'ennemi n'est pas retenue, mais on lui reproche d'avoir failli dans sa mission de ministre. Et cette forfaiture caractérisée lui vaut 5 années de bannissement. Mais c'est inouï, hein. Alors que le principal responsable, Nivelle, lui, a été absous. Et Malvy doit donc s'exiler. Effectivement, et ce sont ses électeurs qui le réhabiliteront après son bannissement, en le réalisant triomphalement. Alors, revenons pour finir au désastre du chemin des dames. J'ai passé en revue la plupart des fautes commises par le commandement, et particulièrement par Nivelle en personne. Il en est une dernière qui n'est pas la moins pardonnable, et elle a trait au secret qui devait entourer la préparation de l'offensive. Puisque, prétendait le généralissime, l'effet de surprise devait être décisif. Oui, mais manifestement, la surprise n'a pas joué. Les Allemands semblaient préparés, ils attendaient. Et c'est juste. Et ça nous amène directement à Malvy, que ses calomniateurs avaient aussi accusé d'avoir transmis le plan Nivelle aux Allemands. Oui, c'était bien sûr absurde, complètement absurde. Alors, pourquoi les Allemands étaient-ils si bien renseignés? Au fil des mois, Le fait que les Français allaient attaquer était devenu un secret de polichinelle. On en parlait au Parlement, dans la presse. Ouais, sans doute. Mais ni les élus, ni les journalistes ne connaissaient le détail de l'opération. Et les Allemands, si. Que voulez-vous dire, là? L'état-major allemand disposait du plan de l'offensive Nivelle. Un espion, un traître? Même pas. Alors quoi? Le 4 avril, donc 12 jours avant l'offensive sur le chemin des Dames, des troupes d'assaut allemandes réalisent un coup assez audacieux en attaquant à la torpille et au lance-flammes une position française tenue par les Zouaves. L'action est si habilement menée que le front est enfoncé sur une profondeur de 5 km. Enfin, là n'est pas le plus important. Les Allemands font des prisonniers. Et parmi eux se trouve un sergent-major qui détient dans sa sacoche un calque du plan Nivelle. Vous avez compris? Oui, d'un seul coup, c'est l'effet de surprise qui est effacé. Eh oui. Alors me direz-vous, Nivelle, qui est naturellement informé et entre dans une violente colère, aurait pu modifier son plan, ou même sursoir quelque temps à son exécution. Mais non, il est tellement sûr de lui qu'il ne change rien, et qu'il attaque comme prévu le 16 au matin. Attendez, cette histoire du plan dérobé n'aurait-elle pas été colportée à dessein pour amoindrir la responsabilité de Nivelle dans l'échec de son offensive? Monsieur Penaud, pourquoi voulez-vous voir le mal partout? Quelques livres pour terminer. L'affaire du chemin des Dames d'Henri Castex aux éditions Imago. Le chemin des Dames, un ouvrage collectif dirigé par Nicolas Offenstadt, paru chez Stock. Et du même aux éditions Eldit Jacob, Les fusillés de la Grande Guerre. Également Le pantalon d'Alain Scoff chez Lattès. Et enfin un ouvrage très récent, Les profiteurs de guerre de François Bouloc chez Complexe. Quant à Malvy, l'affaire Malvy, son dossier a été instruit avec perspicacité par Jean-Yves Le Naour dans un livre paru chez Hachette. Enfin, vient de paraître un hors-série très complet du Monde sur 14-18, Les traces d'une guerre.